Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, ce soir, on a fin de mois. La presse consumériste est déjà parue dans les kiosques. Et en particulier, bien sûr, l'Union fédérale des consommateurs avec son mensuel Que choisir, que je prends souvent pour référence au cours de ce dossier consommateur. Voilà, alors on va parler des biocides. Ah ben oui, on utilise des bombes contre les insectes et autres produits anti-puces, anti-mites, etc. Ces produits contiennent des pesticides nocifs, il faut le savoir. Alors, est-ce que ces produits vont bientôt être souclés? Les fidèles lecteurs de Que choisir connaissent bien les biocides. C'est le nom donné aux pesticides quand on les utilise à la maison, que ce soit pour tuer les moustiques ou les fourmis envahissantes, traiter le chat ou le chien qui a des puces, nettoyer la moquette ou éradiquer les acariens, protéger les vêtements des mites, pulvériser la plante verte, traquer les microbes, on en passe et des meilleurs. On s'en sert au quotidien en oubliant qu'il s'agit de produits phytosanitaires, parfois même de molécules déjà interdites en agriculture en raison de leur toxicité pour l'homme ou l'environnement. Or, les débaptiser pour parler de biocides ou d'antiparasitaires n'enlèvent rien à leur nocivité. Constatant que les produits phytopharmaceutiques sont de plus en plus réglementés, notamment pour protéger le grand public. Fin de citation. Le projet de loi, et c'est bien de ça qu'il s'agit, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire du gouvernement, veut étendre ces mesures d'interdiction de vente en libre service, de publicité et de promotion aux biocides, jugeant qu'ils ne sont, je cite là encore le projet de loi, qu'ils ne sont pas pour autant réglementés alors qu'ils utilisent pour certains les mêmes substances actives que les produits phytopharmaceutiques. Voilà, fin de citation là encore, citation qui est dans le projet de loi. Sa commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a voté en faveur de cet amendement. Les lobbies industriels, eux, se déchaînent pour obtenir son retrait, bien évidemment. Que choisir espère que les parlementaires ne céderont pas aux pressions des fabricants et tiendront bon pour protéger la santé des consommateurs. Réponse, bien sûr, prochainement, avec le vote ou non de la loi en question, qui peut, bien sûr, une loi peut toujours être amendée. Alors, que conclure de cette interdiction des biocides? Il ne s'agit pas d'une interdiction, il s'agit simplement d'interdiction de la publicité et puis de mettre en garde les usagers sur ces produits phytosanitaires qui sont dangereux pour la santé. On le savait depuis longtemps, mais ils étaient en vente libre jusqu'à présent. Donc on aurait quand même une vente réglementée de ces produits, ce qui paraît bien naturel. Et puis bien sûr, on peut toujours remplacer nombre de ces produits par des produits plus naturels et moins toxiques. Voilà, on va continuer dans le même ordre d'esprit sur les pesticides. Alors, il y a une nouvelle alerte sur les fongicides. Les SDHI, vous connaissez, ne disaient rien à personne avant qu'un collectif de 8 chercheurs du CNRS, de l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et de l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, publie une tribune sur le sujet dans Libération le 15 avril dernier. Il s'agit des fongicides, des inhibiteurs de la succinate, des hydrogénases, d'où le nom de SDHL. C'est quand même plus facile de dire SDHL que, par exemple, des dishydrogénases. Voilà, les différents produits, hein, parce qu'on a toujours des noms assez barbares à prononcer, et si on ne s'entraîne pas, comme c'est mon cas ce soir, eh bien, on a quelques difficultés à situer ces produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des fongicides, des inhibiteurs, et des produits similaires. Donc, ces produits sont utilisés en agriculture depuis plusieurs années contre les champignons et les moisissures. Très employés sur les grandes cultures céréalières et autorisés sur certaines cultures fruitières et légumières, ils ne sont classés ni cancérogènes, ni perturbateurs endocriniens, ni reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction. Ils n'avaient donc aucune raison de faire parler d'eux. Mais les scientifiques signataires s'inquiètent à leur mode d'action. Ils bloquent l'enzyme SDH qui assure la respiration des cellules des champignons. Or, cette enzyme existe dans toutes les espèces vivantes. Les travaux sur le rôle de la SDH dans les pathologies humaines prouvent que son blocage conduit à l'accumulation d'une molécule qui entraîne à long terme une modification de la structure de notre ADN. C'est-à-dire un produit qui est réputé mutagène. Ces anomalies dérégulent des milliers de gènes expliquant la survenue de tumeurs et cancers. C'est ce qu'affirment ces scientifiques. Sitôt l'alerte lancée, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a annoncé la création d'un groupe d'experts dédiés, tout en rappelant qu'avant leur mise sur le marché, ces fongicides ont fait l'objet, je cite, « d'une évaluation de la toxicité pour les mammifères ainsi que des risques potentiels que présente leur usage ». Mais précisément, les signataires expliquent que les modifications causées par le blocage de l'enzyme SDH ne sont pas détectées ni testées au cours des tests de toxicité conduits avant la mise sur le marché des pesticides. Donc automatiquement, il y a des tests, bien entendu, c'est une obligation légale, mais par contre, ces tests ne sont pas suffisamment complets, suffisamment révélateurs, justement, du blocage de cette enzyme SDH. Et puis des conséquences, bien sûr, parce que le blocage de l'enzyme elle-même amène les conséquences qu'on a déjà décrites. Voilà, matière active de l'industriel BASF, les boscalides et le fongicide SDHI, le plus utilisé. Il fait partie des pesticides très présents dans la ressource en eau. Eh oui, malheureusement, hein, parce que tout finit quand même dans l'eau. Si la toxicité de ces fongicides SDHI est établie, il faudra les retirer du marché. L'expertise de l'ANSES est très entendue. Alors, il faudra voir aussi, entre parenthèses, si les lobbies ne vont pas là non plus sévir, justement, pour éviter leur interdiction, comme ça s'est passé pour les glyphosates. Les glyphosates qui continuent quand même d'être distribués largement, et puis encore pendant plusieurs années dans l'Union européenne. Alors, puisqu'on parle de santé, parlons aussi des travers de chemin de fer. Les travers de chemin de fer sont traités à la créosote, un biocide toxique pour l'homme. Traités à la créosote, c'est bien ça. Les poteaux électriques et téléphoniques, les clôtures et les palissages agricoles, équestres, routières et autres, est désormais interdit. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, toujours elle, vient de restreindre les autorisations d'usage de ce produit aux seuls travers de chemin de fer, et pour une durée limitée. Une excellente décision, car si la créosote est très efficace pour protéger le bois contre les attaques de champignons, d'insectes et même contre l'humidité, c'est un biocide toxique pour l'environnement et pour l'homme. Il est classé cancérogène probable, génotoxique, et reprotoxique, c'est-à-dire que ça attaque les gènes et c'est une défense à la reproduction. La reproduction humaine aussi, bien sûr. L'ANSES recommande donc d'éviter tout contact avec les bois traités à la créosote, de ne pas laisser les enfants jouer à proximité, de ne pas récupérer les traverses pour aménager son jardin et surtout de ne pas les brûler. Le gouvernement annonce vouloir interdire l'importation des traverses usagées traitées à la créosote, ainsi que la réutilisation de celles qui sont retirées des voies ferrées en France. compte tenu des risques auxquels ce biocide expose l'environnement et la santé. Il y a urgence, dit Que Choisir, l'association Robin des Bois, qui dénonce le danger de la créosote depuis longtemps, notamment l'usage de traverses dans les jardins, jusqu'à faire des barbecues à la créosote. Ben oui, il y en a ceux qui ont brûlé des bois qui étaient imprégnés, la créosote, mais aussi, en passant, on peut parler des bois qui contiennent de l'arsenic, quelquefois, qui ont été traités à l'arsenic. Donc c'est très dangereux pour faire des barbecues. On ne veut pas des barbecues avec n'importe quel bois. Donc, on a récemment déniché en une journée 36 annonces de vente de traverses créosotées sur le Bon Coin. Alors attention, attention, ça va bientôt être interdit. Et puis, de toute façon, si vous voulez préserver votre santé, des gaz dégagés par le brûlis de ces différents bois traités, il faut absolument s'en préserver. C'est pas la peine d'aller chercher dans le Bon Coin des vieilles traverses de chemin de fer. Voilà, puisqu'on parlait quand même directement de cancer, d'effets mutagènes de certains produits et cancérogènes de certains produits, on va parler du cancer colorectal. Le dépistage actuel est entravé. Est entravé pourquoi ? Parce que vous connaissez le dépistage, je suppose que vous avez reçu à domicile, pour nous les plus anciens, ou même des vieux jeunes, on va dire, donc des tests de dépistage. Alors, pour des raisons de procédure, la Cour administrative d'appel de Paris vient d'annuler le marché conclu fin 2014 par l'assurance maladie pour la fourniture de nouveaux kits de dépistage du cancer colorectal. J'en ai reçu un, je n'ai pas utilisé, entre parenthèses. Basé sur une technique jugée plus efficace que celle utilisée jusque-là. Par souci de continuité du dépistage organisé, les juges ont prévu que leur décision ne prendrait effet que le 1er août prochain. Mais pour la Sécu, le délai est insuffisant. Et surtout, l'annulation du marché liée au calcul de la TVA, eh oui, on est dans une question de sous, oublie que l'unique raison du choix du test était sa meilleure fiabilité. L'assurance maladie souligne qu'elle n'a pas le temps, d'ici au 1er août, de faire aboutir un nouvel appel d'offres. Elle dit étudier toutes les possibilités pour assurer le dépistage jusqu'à 2018, date de fin du marché actuel, jusqu'à fin 2018 bien sûr. En parallèle, elle se pourvoit en cassation, recours devant le Conseil d'État, et demande un sursis à exécution du jugement. Le jugement qui est basé sur un problème de TVA, je le rappelle. Pour l'heure, les conséquences ne se font pas sentir pour les destinataires du dépistage. Bah oui, vous avez été destinataire du dépistage, il est toujours valable, même si vous ne l'avez pas encore utilisé. Voilà, il s'agit bien du cancer colorectal, je le rappelle. Voilà. Alors, Que Choisir parle des fruits et légumes. C'est un peu d'actualité, parce que quand même, on a des légumes frais. Il y a un panier moins rempli, mais plus cher aujourd'hui. Acheter moins en dépensant plus, en raison d'un prix moyen de fruits et légumes en hausse depuis 5 ans. Le panier des ménages s'amenuise en végétaux, mais n'en devient pas moins cher. Telle est la conclusion d'un rapport publié par France Agri Mer sur les achats des ménages français le 30 mai dernier. L'étude, qui se base sur le panel Kantar, mesurant les achats de 12 000 ménages, représentatifs de la population française, montre qu'entre 2016 et 2017, la quantité moyenne de fruits et légumes frais achetés par un ménage s'établit à 167,8 kg en 2017 contre 169 kg en 2016, soit un recul de 1,2%. En parallèle, la somme moyenne dépensée a augmenté, grimpant à 406 en 2017 contre 403 en 2016. Le prix moyen du panier est ainsi passé de 2,37 à 2,42 euros kilo. Ce nouvel accroissement du prix moyen s'inscrit dans un contexte économique jugé favorable par France Agri mère. Dommage que le consommateur en récolte la portion congrue. Ben, que conclure par rapport à ça, ben, que malheureusement, ben, les fruits et légumes sont de plus en plus chers et ne sont pas forcément d'une qualité excellente, hein, puisque vous avez pu, je ne sais pas, hein, j'achète souvent des produits bio, par exemple, en grande surface, ou même des produits non bio, ben, on s'aperçoit de fruits de plus en plus dégueulasses, permettez-moi l'expression, mal mûrs, etc., qui n'ont pas les qualités nutritives d'un bon fruit arrivé à maturité en particulier. Et malgré tout, les prix grimpent régulièrement. Or, on peut penser quand même que ce n'est pas grâce à l'agriculture biologique que les prix grimpent, hein, parce qu'ils ont toujours été un peu supérieurs. Ce qu'il faut voir quand même, c'est globalement quand même les circuits de distribution en particulier. Et puis le fait qu'il y a peut-être un peu plus d'engouement pour les fruits et légumes, mais que cet engouement, ben bien sûr, il est freiné par le prix, par des prix qui montent de jour en jour. Alors qu'il faudrait bien sûr consommer davantage de fruits et légumes dans son alimentation. Voilà, alors ça nous amène aux cantines scolaires. Il y a des menus végétariens à revoir. Un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Cette proposition émanant des états généraux de l'alimentation n'a pas été retenue pour la future loi alimentation, bien qu'un parent sur deux y soit favorable, selon une étude de Greenpeace, publiée récemment. Il était sans doute trop tôt, selon les chercheurs de l'INRA, Institut National de Recherche Agronomique, qui ont étudié l'effet du remplacement du plat protidique de type poisson ou viande par un plat végétarien, parmi ceux actuellement proposés. C'est par rapport à l'équilibre des menus dans les cantines du primaire. Les repas couvrent alors moins bien les apports journaliers en nutriments essentiels, vitamines, minéraux, et sont plus riches en graisses saturées. L'étude souligne que les plats végétariens servis actuellement sont plus diversifiés et de faible qualité nutritionnelle. Des pizzas, des quiches, etc. Bon, voilà. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ça. Alors, on va encore examiner des problèmes de santé, parce que je pense que dans ce dossier consommateur, c'est essentiel qu'on parle aussi de la santé vis-à-vis de la consommation. L'hypertension artérielle. Eh bien, c'est une étude à relativiser que nous sert que choisir. Et de dire, l'étude nationale Estaban, décryptée par la Santé publique France, montre que la prévalence de l'hypertension artérielle en France reste stable. Un tiers des adultes de 18 à 74 ans seraient hypertendus. La moitié des personnes ne sont pas averties de leur hypertension. Ces chiffres sont cependant à relativiser, car les mesures réalisées au cours de l'enquête ne prennent pas en compte un éventuel effet blouse blanche, quand la tension monte à cause de la seule présence du médecin. Bah oui, hein, ça peut être effrayant en se disant « mais qu'est-ce qu'il va me trouver ?» En outre, le chiffre pris pour référence, 140 sur 90 milli, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, ou 14,9, hein, 14,9 c'est plus préférable, hein, entre la pression systolique et diastolique, n'est pas forcément pertinent pour des personnes qui n'ont pas d'autres problèmes cardiaques ou métaboliques. Voilà, donc on peut relativiser quand même quand on a de la tension artérielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Voilà. Alors, on revient dans Que choisir sur l'affaire Lactalis. Parce que, ben, bien sûr, ça a déclenché un véritable scandale, l'affaire Lactalis. Mais on a tout oublié, depuis on n'en parle plus. Hein, c'est souvent ça, les médias, le côté sensationnel des choses, intoxication alimentaire, etc. Et puis après, plus rien. Alors, Que choisir revient sur l'affaire Lactalis. Et a passé les faits au crible. sous la plume de Marie-Noëlle Delaby, qui est donc journaliste à Que Choisir. Alors que l'Assemblée nationale auditionne les acteurs de l'affaire Lactalis, les services de l'État sont revenus sur le déroulé des faits survenus au second semestre 2017, comme chacun sait. Depuis avril, une commission d'enquête créée par l'Assemblée nationale auditionne les principaux acteurs de l'affaire des laits en poudre contaminés à la salmonelle, produits par Lactalis. Les députés emboîtent le pas aux sénateurs qui avaient lancé leur propre commission au début de l'année. Ces derniers avaient pointé la nécessité d'augmenter les moyens dédiés aux inspections et leur fréquence reçue par les parlementaires le 18 avril. Laurence Defsel, je suppose que c'est son nom, directrice de la direction départementale, la concurrence, la répression des fraudes. Enfin, non, maintenant c'est la direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations de Mayenne, où se trouve l'usine de Craon, productrice des fameux laits contaminés, confirmait un sous-effectif dans les services vétérinaires. Eh bien oui, j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques. Eh bien, on a quand même, depuis Sarkozy en particulier, puis ça continue à démanteler peu à peu ces services départementaux de la concurrence des prix et de la consommation. Avec de moins en moins de fonctionnaires, bien sûr, qui peuvent faire leur travail de manière sereine. Oui, de 2005 à 2017, à Craon, seuls 16 contrôles avec prélèvement ont été réalisés par les agents du département. Plus un contrôle exceptionnel lié à une alerte sur la présence de limaille de fer dans un produit. Mais aucun ne concernait les salmonelles, que ce soit dans l'environnement ou sur les produits infantiles. Plus largement, aucune usine de lait infantile en France n'a été contrôlée sur ce point. Là, on voit quand même une défaillance, une carence qui s'explique, bien sûr, par un manque d'effectifs des services vétérinaires. Et de citer, la recherche des salmonelles est de l'ordre des autocontrôles effectués par les fabricants et leurs laboratoires sous-traitants. Nos analyses portent entre autres sur les pesticides, les métaux lourds ou les myotoxines, dont la présence est jugée plus fréquente et probable dans ces produits, c'est-à-dire les produits de lait infantile. Une information qui n'a pas manqué d'étonner les députés, en particulier dans le cas de l'usine de Craon, laquelle avait déjà connu un épisode de contamination à la salmonelle en 2005, ce qui avait rendu des centaines de bébés malades. Voilà, alors que dire à ce niveau de débat, sinon que, bien sûr, les députés s'étonnent, mais quand ils prennent des mesures sur le budget, en particulier pour diminuer le nombre de fonctionnaires, y compris dans les DGCCRF, pour la protection des populations, comment peuvent-ils s'étonner d'avoir des problèmes comme ça? Parce que ce qu'il y a, c'est quand même une carence des pouvoirs publics de contrôler quand même l'alimentation des nourrissons, ce qui paraît quand même tout à fait scandaleux. C'est vrai qu'une entreprise peut avoir des défaillances, et puis personne n'est parfait, bien entendu. Seulement, le gros problème, c'est quand même les contrôles. Les contrôles, bien sûr, par l'entreprise elle-même, et puis les contrôles externes, où vraiment les populations puissent se sentir protégées, hein, surtout les nourrissons. Voilà, il y a eu des échantillons positifs qui ont été détruits. Lors de son audition, le responsable de la direction départementale de protection de la population, je vais abréger, qui est longuement revenu sur le déroulé de l'affaire Lactalis, a aussi révélé que les échantillons de salmonelle retrouvés dans l'environnement de l'usine en août et novembre 2017 n'ont été conservés que quelques semaines par le laboratoire chargé des contrôles, le résultat n'ayant pas été communiqué aux services sanitaires. Quand ces derniers les ont réclamés lors de la crise, les prélèvements étaient déjà détruits. Il faut quand même le faire. Hein. C'est une preuve qu'on détruit des preuves, ce qui est quand même une faute énorme. Les laboratoires étaient dans leur droit. Ils n'ont pas l'obligation de les conserver un temps défini. C'est ce qu'a expliqué la direction départementale de protection des populations. Contactée par les soins que choisir, elle précise, je cite, « Dans la situation actuelle, depuis la crise, nous avons enjoint au laboratoire de ne détruire aucune souche identifiée. Dans le cadre du nouveau dossier d'agrément et compte tenu du retour d'expérience, nous avons demandé à Lactalis de recevoir cette disposition dans la prestation et de prévoir un délai d'un an. » C'est la pratique des laboratoires travaillés par l'État avant destruction. Lors de son audition, Laurence Defflessel a cependant tenu à dire que cette nouvelle affaire de contamination avait été rapidement maîtrisée une fois les services de l'État alertés. Aucun enfant n'ayant officiellement été déclaré malade après le 2 décembre 2017. La Direction de protection des populations de Moyenne avait été prévenue le 1er décembre au soir, veille de week-end, a-t-elle pris le soin de souligner. Voilà, alors je crois quand même que c'est bien quand même de reparler de cette affaire scandaleuse quand même du lait contaminé. Hein. Alors apparemment les salmonelles étaient dans des tuyaux, hein, mais il n'empêche quand même qu'on a même détruit des preuves. Hein, pour une question de délai, certainement, mais quand même, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vraiment, c'est une affaire scandaleuse parce que on n'a pas fait les contrôles nécessaires. On a laissé la seule entreprise Lactalis, avec bien sûr ses contraintes, à effectuer des contrôles, ce qui a provoqué cette catastrophe sanitaire. Quand même appelé une catastrophe sanitaire, s'il y a vraiment des personnes qui sont contaminées, c'est bien quand même un fait qui ne doit pas être passé sous silence. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Et bien voilà, nous sommes, vous êtes toujours sur RGM 107. Et nous parlons bien sûr de consommation avec le dossier consommateur de La Parole est à vous. En sachant que ce dossier ce soir est consacré essentiellement bien sûr aux produits phytosanitaires, à la santé des personnes et de que choisir, ce qu'il faut le citer du mois de juin, en parle longuement. On va revenir sur le... Sur les pesticides, les tueurs d'abeilles, enfin interdits, c'est une bonne nouvelle. C'est fait, le 27 avril, sur proposition de la Commission européenne, les États membres ont voté l'interdiction de des trois pesticides les plus dangereux pour les abeilles. L'amidacloprid, la clothianidine, j'espère l'avoir, ne pas avoir trop malmené ces mots, la thiamethoxane, XAM, sont désormais prohibés sur les cultures de plein champ et pour toutes les utilisations en extérieur. Ne pas voter l'interdiction pure et simple relèverait du déni de réalité. C'est ce qu'écrivait Que Choisir suite au quatrième rapport alarmant de l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Rapport sur les insecticides neurotoxiques. Après des années de tergiversation, en dépit des preuves de leur toxicité, les États membres ont enfin pris leurs responsabilités, à commencer par la France, qui a voté pour l'interdiction. La Commission européenne, qui s'est félicitée de cette décision, souligne que, je cite, « la protection des abeilles est un enjeu important puisqu'elle concerne la biodiversité, la production alimentaire et l'environnement ». Fin de citation. Il existait un moratoire sur ces insecticides depuis 2013. C'est des néocotinoïdes, je précise, parce que à travers leur nom barbare de chimie, c'était surtout des produits qui s'apparentaient aux néocotinoïdes. Donc il existait donc un moratoire depuis 2013, mais il ne s'appliquait qu'aux cultures réputées attractives pour les pollinisateurs. Il était en plus inefficace, la vente des néonicotinoïdes ayant continué à augmenter. Ah oui, parce qu'à partir du moment qu'on n'interdit pas, il n'y a rien qui empêche les chimistes d'en vendre de plus en plus. Cette fois, c'est fini. Seul l'usage sous serre reste possible. Mais les fabricants de pesticides ont de la ressource. De nouveaux insecticides de cette famille, des néonicotinoïdes, prennent le relais. Alors attention, parce que chaque fois c'est pareil, c'est la course entre les interdictions, entre la preuve des toxicités qui mettent des fois des années et des années, et puis l'avenir des abeilles, quoi, parce que les chimistes ont plein d'imagination pour vendre leurs produits toxiques, bien entendu, toxiques pour la santé, mais surtout toxiques pour les abeilles. Et n'oublions pas ce qu'a dit Einstein, il a dit de toute façon, quand les abeilles disparaîtront, l'être humain disparaîtra. Il y a déjà des cultures à certains endroits, en particulier en Californie, où il faut ensemencer, où il faut polliniser des amandiers, par exemple. Il n'y a pas que à l'aide d'avions, de drones, pour pouvoir continuer la pollinisation, puisque les abeilles ont disparu. Les Américains ont été très en avance pour intoxiquer les abeilles, les faire crever. Voilà ce qu'il fallait dire. Alors, puisqu'on est toujours dans le domaine de la santé, l'origine des viandes. L'opacité à la vie dure. 18 mois après l'entrée en vigueur de l'obligation d'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés obtenus par l'UFC Que Choisir, l'UFC Que Choisir a enquêté sur l'effectivité de cette avancée dans les rayons. 269 références au total ont été observées. Si la transparence a nettement progressé, encore trop de produits, surtout à base de porc et de volaille, masquent leur pays d'origine. Alors que le scandale des lasagnes au cheval a souligné la nécessité de cette information, comment admettre que de nombreux professionnels s'abritent derrière les mentions vagues « origine Union européenne » ou « hors Union européenne » Ainsi, 9 produits de marque distributeurs, Auchan, Casino, Leader Price, s'affichent UE, non UE, ce qui signifie dès lors que leurs ingrédients sont d'origine mondiale. L'association réclame donc que l'on réserve les indications origine UE et origine non UE à un nombre limité de cas où la forte variabilité des approvisionnements est démontrée. Surtout alors que l'obligation d'étiquetage de l'origine s'inscrit dans une expérimentation de 2 ans devant s'achever fin 2018. L'UFC Que Choisir demande aux pouvoirs publics nationaux et européens sa pérennisation sur l'étiquetage. Bah oui, c'est normal quand même. Il faut quand même savoir notre bouffe ou notre malbouffe, d'où c'est qu'elle vient. Malheureusement, on arrive toujours à avoir des dérives comme celles qui sont citées dans Que Choisir. Voilà, puisque continuons à parler de santé, on va parler des médicaments. L'Agence du médicament ANSM vient enfin de mettre un coup d'arrêt à la prolifération des marques ombrelles. Autrement dit, c'est quoi les marques ombrelles? L'utilisation d'un même nom de médicament pour des molécules différentes. L'UFC Que Choisir réclamait la fin de cette pratique, source de confusion qui augmente les risques de mésusage, c'est-à-dire, on fait un usage qu'on ne connaît pas. Mais l'interdiction ne concerne que les futurs produits mis sur le marché. C'est-à-dire qu'on a toujours... il suffit d'une marque... On donne une marque de fabrique alors qu'on devrait toujours indiquer la molécule, quoi. Hein, si on a affaire... Si on a affaire, par exemple, à du paracétamol, il n'y a pas besoin peut-être d'avoir autant de marques, hein, autant de molécules différentes. Si par contre on parle de paracétamol, on ne parle pas d'un autre antalgique. Voilà, en gros, ce que veut Que Choisir, et puis c'est normal si on veut préserver la santé des consommateurs. Hein, parce que quand même, c'est des médicaments en particulier qui sont d'une grande consommation, n'est-ce pas? Voilà, alors, agriculture et pesticides, et puis j'en terminerai avec ce dossier sur les biocides, les pesticides, toutes ces vacheries chimiques que l'on déverse partout. Eh bien, il y a un énième plan d'action. Alors, entendons bien. Le plan d'action du gouvernement, citation, « pour une agriculture moins dépendante aux pesticides », fin de citation, est sorti fin avril. Sera-t-il plus efficace que les précédents? Que Choisir s'interroge. Les précédents qui ont échoué, en tout cas, le ministre de la Transition écologique et solidaire y croit. C'est bien d'y croire. Nicolas Hulot l'a qualifié de « sans précédent ». Les mesures y sont en effet nombreuses entre l'opposition au renouvellement ou la prolongation des substances actives les plus préoccupantes au niveau européen, le soutien accru aux produits biocontrôle et aux préparations naturelles peu préoccupantes, la séparation de la vente et du conseil pour les produits phytosanitaires, le plan Eco-Phyto 2 revu pour atteindre son objectif de réduire de 50% l'usage des phytos d'ici à 2025. Ce n'est pas un plan très ambitieux, c'est moins qu'on en puisse dire, hein, puisqu'il y a déjà eu un plan éco-phyto 2, Hein, et donc, c'est qu'une révision de ce plan éco-phyto pour atteindre 50%, 50% seulement, réduire de 50% seulement l'usage des phytos d'ici à 2025. Il nous reste quand même, il reste encore cette belle année aux chimistes pour déverser leurs produits, hein, certains produits. Pas tous, puisqu'on voit quand même que des néocotinoïdes ou autres produits ou des biocides vont être quand même interdits. Alors, on trouve dans ce plan phyto aussi l'augmentation de la redevance pour pollution diffuse, l'évaluation du funeste arrêté du 4 mai 2017 qui a accordé un nouveau permis de polluer à l'agriculture et des arrêtés préfectoraux, souvent laxistes, qui l'ont suivi, ainsi que la volonté de limiter l'exposition aux pesticides des populations. Bah oui, parce que les préfectures, bien sûr, ont été souvent laxistes. Hein. C'est comme le problème de l'eau, c'est comme des tas de problèmes. Hein. Les Vosges, on n'y échappe pas, croyez-moi. Croyez-moi, parce que, ben, c'est sûr, les lobbies sont souvent beaucoup plus puissants que la loi, hein, ou que les tentatives de légiférer. Voilà, on ne peut qu'approuver toutes ces dispositions, dit que choisir, même si plusieurs ont un air du déjà-vu. Eh oui, on en parle. On prend soi-disant des mesures, et puis finalement, ces mesures s'avèrent peu efficaces. Parce qu'il reste à les mettre en application de façon efficace, on peut l'espérer, cette fois. C'est loin d'être gagné. Il faudra, entre autres, se heurter à la puissance des FNSEA, eh oui, le syndicat agricole, et sur le terrain, à l'usage toujours intensif des pesticides. Eh oui. Voilà, est-ce qu'on pourra avoir un jour une agriculture au moins raisonnée? La FNSEA, quelquefois, le promet, le principal syndicat agricole. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et loin s'en faut, on continue à utiliser de plus en plus de pesticides. Voilà, on va s'accorder une dernière pause musicale avant de conclure cette émission. On va bientôt la conclure. Je ne sais plus combien de temps qu'il me reste. Il te reste un quart d'heure, Michel. Bon. On met la pause. La mer sans arrêt roulait ses galets. Les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler. C'est la nuit, l'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre, sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre, et c'était comme si tout recommençait. L'espérance et la liberté avec le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Eh bien voilà, nous reprenons ce dossier consommateur sur le 107. Dans l'émission, la parole est à vous. Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, des pesticides, de toutes les substances chimiques qu'on déverse sur dans de nombreux domaines. Et puis, on va parler d'un autre sujet qui est brûlant à l'heure actuelle, si on peut dire. Hein. C'est le 1er juillet qu'arrive la limitation à 80 km/h. C'est-à-dire que malgré les mobilisations diverses, le gouvernement a tenu bon sur sa limitation à 80 km/h sur les routes à deux voies. Que les conducteurs se préparent, à partir du 1er juillet, la vitesse maximale autorisée sur le réseau secondaire à deux voies de circulation sans séparation passe de 90 à 80 km/h. La mesure sera expérimentée pendant 2 ans avant qu'un bilan ne soit tiré. Nombre des accidents graves. Et c'est contesté, c'est pour diminuer les accidents graves, disais-je, contesté par de nombreux automobilistes et motards. Elle est censée faire baisser donc ce nombre d'accidents graves. L'an dernier, en France métropolitaine, données provisoires, 3456 personnes se sont tuées sur la route. Moins 0,6 par rapport à 2016. Et 74 066 autres ont été blessés. Plus 2% selon la sécurité routière. Or, que faut-il y voir dans cette diminution très légère et cette augmentation importante, c'est-à-dire des blessés, c'est peut-être que les véhicules sont plus sûrs. Mais en tout cas, je pense quand même que les excès de vitesse et dépassements dangereux ont contribuent largement à la mortalité sur les routes françaises. Alors que dire par rapport à cette limitation à 80 km/h au lieu de 90 km/h, que la plupart du temps, les automobilistes devraient quand même être raisonnable, on pourrait dire, par rapport à cette limitation de vitesse, parce qu'il y a beaucoup de routes où on ne peut même pas rouler à 80 km/h. Cette limitation de vitesse a quand même un impact pas très important sur les conducteurs, sur la façon de conduire les nombreux automobilistes que compte ce pays. Bien sûr, les opposants, c'est leur liberté individuelle qu'ils font valoir en disant nous, on peut rouler plus vite, et puis il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de rouler plus vite. Bien sûr, le débat sur la place publique par rapport à ça, il y a eu de nombreuses manifestations où on a mélangé dans ces manifestations un peu tout, y compris le mécontentement des personnes âgées par rapport à la CG, etc. Hein, c'était un bon moyen de manifester un mécontentement généraliser un mécontentement contre cette limitation à 80 km/h. Et puis en tête, bien sûr, les motards qui ne respectent pas souvent les limitations, même à 90, parce que une moto, c'est quand même un véhicule qui est plus facile à faire monter en puissance, et puis dans les dépassements, et puis dans les routes sinueuses, ils sont plus efficaces que les automobiles. Il n'empêche quand même qu'aujourd'hui, il y aura un dilemme pour le gouvernement. Hein, et puis les 2 ans d'essai, est-ce que ça va être positif ou pas? On peut craindre que non, parce que pour une bonne raison, c'est que les contrôles de gendarmerie, par exemple, se situent surtout sur la vitesse en agglomération et très peu sur les autres voies qui sont à 90 km/h. Et puis, pour dire clairement les choses, je respecte les limitations de vitesse la plupart du temps. Hein, surtout 90 km/h. Quand on respecte à 90 km/h limitation de vitesse, la plupart du temps, c'est doublé. Donc, au-delà du problème des 90 ou des 80 km/h, je crois quand même qu'il y a des conduites dangereuses qu'il faudrait véritablement réprimer. Mais là, on s'en donne pas beaucoup la peine. Et donc, les nouveaux plans qui consisterait demain à mettre des milices privées pour contrôler la vitesse des automobilistes, ça va être surtout la tirelire, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire au-delà de brimer les conducteurs, au-delà de sanctionner les conduites dangereuses, ben, on fera simplement du financier, on va dire. Hein. On va récupérer du financier. Je crois que là, il y a quand même une éducation des automobilistes à la vitesse, au dépassement dangereux qu'il faudrait promouvoir véritablement, y compris et surtout dans les auto-écoles, parce que je crois quand même qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui roulent beaucoup trop vite et de manière dangereuse, et dépassent de manière dangereuse. Je crois que c'est ça quand même qu'il faut retenir, encore beaucoup plus que cette mesure à 80 km/h, qui sera plus ou moins d'ailleurs respectée par les automobilistes, même si les sanctions, puisqu'aujourd'hui les 90 sont très peu respectées, il faut le dire. Voilà, enfin sur les routes sur lesquelles on peut rouler relativement vite. Bon, ben je crois que on arrive bientôt au terme de cette émission. Je sais pas, Lou me fait signe. Non, il y a encore un petit peu. On va parler de l'Europe. De l'Europe parce que j'ai remarqué dans Que choisir, je cite souvent Que choisir parce que finalement c'est la principale union de consommateurs. Hein, et puis il a quand même une grande audience grâce au mensuel Que choisir que j'ai cité à plusieurs reprises au cours de cette émission. Alors c'est le billet d'Alain Bazot. Est-ce qu'il y aura une nouvelle donne pour l'Europe? Alors je vais le citer. À un an des élections européennes, ben oui, on l'oublie, on n'en parle même pas pratiquement des élections européennes. C'est très bientôt. La Commission de Bruxelles souhaiterait-elle réduire les électeurs consommateurs? On peut se le demander avec la publication le 11 avril de la nouvelle donne, paquet de mesures destinées à faire émerger une Europe des consommateurs. En vue de renforcer l'effectivité du droit européen, la Commission avance vers des sanctions renforcées en cas de manquement d'une entreprise aux règles communautaires, avec un minimum correspondant à 4% du chiffre d'affaires annuel. Mais surtout, elle propose enfin l'instauration d'un recours collectif en cas de litige de masse. L'Europe semble tirer les conséquences des carences actuelles, tristement illustrées par le Dieselgate, où les consommateurs américains ont été indemnisés, quand les Européens, floués eux aussi, n'ont jusqu'à présent rien obtenu. Sur le fond également, la proposition comprend des avancées, transparence accrue, des plateformes en ligne, inspirées par la législation française, extension de l'application du droit des consommateurs aux services gratuits, comprenez fournis contre vos données personnelles. Il est trop tôt pour applaudir, dit Bazot, tant les contours de la plupart des mesures restent flous. En outre, il faut encore que ces dernières soient adoptées par la Commission, par le Conseil de l'Europe. Mais c'est un signal appréciable. L'Europe semble enfin comprendre que pour avancer, elle doit mettre en place un marché prenant en compte l'intérêt des consommateurs et en phase avec leurs attentes et leurs inquiétudes. Voilà, donc c'était le billet d'Alain Bazot. Or, moi, je dois ajouter quand même que l'Europe sociale, elle devrait quand même aussi prendre de la graine sur l'Europe des consommateurs, sur les avancées qu'il peut y avoir, parce que là, on assistait plutôt à des reculs globalement et puis à une législation qui est très fragmentée en Europe sur les droits sociaux. Voilà, et puis des avancées de plus en plus grandes de la privatisation, même dans le domaine de l'assurance maladie. Voilà, ben on arrive au bout de ce dossier consommateur. Je vous remercie de votre attention. Hein. J'espère que ça vous aura éclairci différents points. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.